Quand la Banque mondiale dit que bon, un pauvre en Afrique, par exemple, c'est quelqu'un qui vit avec moins de 1 dollar par jour. C'est comme ça que la Banque mondiale définit le pauvre, non? Tout à fait. Bon, si vous mettez de côté le critère, la Banque mondiale définissait un pauvre comme celui qui vit avec moins d'un dollar par jour, d'autres personnes, dans un autre contexte, ne sont pas appelées pauvres. Il n'y aura pas dans le même concept de pauvreté et son opérationnalisation comme lorsque on s'appuie sur le critère, sur la critériologie Banque mondiale. Mmh. Vous comprenez ma démarche là? Tout à fait. Vous avez bien compris ce que je vous dis. Exactement. Voilà. Président. Je veux dire que le concept crée sa réalité. Le concept crée ses bénéficiaires. Donc si le concept disparaît, parce qu'on l'a fait disparaître ou parce qu'il ne sert à rien, ses bénéficiaires aussi disparaissent. Si on doit aider un pauvre au Mali, pourquoi on n'aide pas le pauvre français? Afrique Média, le monde, c'est nous.